normalement qui se ressemblent, ça sent, mais les contraires s'attirent. On devrait vivre ensemble, mais on s'engraine à mourir normalement à chaque jour. Suffit sa peine, mais elle se répercute dans ma tête chaque heure de la semaine. Normalement à cœur vaillant, rien d'impossible, mais j'ai mis toutes mes tripes sans être sûr d'atteindre ma cime. Normalement tout travail mérite salaire, quelle affaire, explique ça aux gosses, aux gars de coin de la terre. Normalement faut pas dire fontaine, je ne boirai pas ton eau, mais moi je serrerai jamais la main à un putain de facho. Normalement l'argent devrait faire le bonheur, mais quelle erreur, faut pas réduire la vie à si peu de valeur. Normalement après la pluie vient le beau temps, mais putain j'attends, ça s'éclipse tout doucement. Normalement l'argent n'a pas d'odeur, mais attends pour le rendement, on suit sa piste à toute heure. Normalement à tout seigneur, tout honneur, mais hiérarchie je connais pas, te crois pas supérieur. Normalement faudrait bien faire, ouais, et laisser dire, mais les requins prennent tant de place que je me mets à les maudire. Normalement au royaume des aveugles les borgnes sont rois, t'inquiète y'a pas que, même les nains prennent du pouvoir. Normalement charité bien ordonnée commence par soi-même, mais la solidarité ce qui nous reste face à nos problèmes. Normalement la vie ne fait pas le moine, mais le délit faciès est monotone et banal. Normalement fortune vient en dormant, mais qui a construit son empire les bras ballants. Normalement l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais si tu fais pas d'efforts tu restes sur le déco comme un con. Normalement chose promise, chose due, mais les politicos ont la main mise et en abusent. Normalement il faut que jeunesse passe, mais elle est dure, elle est longue et trop de fois je me ramasse. Normalement l'habitude est une seconde nature, mais même notre routine est rebelle et immature. Normalement il n'y a que les premiers pas qui coûtent, mais c'est pas vrai, j'ai commencé, on met encore des doutes. Normalement et ben la nuit porte conseil, mais c'est l'inverse, c'est cauchemar, cette double vie me malmène. Normalement qui tente rien, ben n'a rien, j'ai l'impression de faire nécessaire et pourtant je reste en chien. Normalement les amis de mes amis sont mes amis, ouais c'est ça, mais les amis de mes ennemis sont mes amis. Normalement toute vérité n'est pas bonne à dire, mais écoute je m'en fous, je suis sincère, je veux tout écrire. Normalement ouais tout est bien qui finit bien, mais te fais pas prendre, y'a des rengaines qui reviennent comme des refrains. Normalement la nécessité devrait faire loi, les publicitaires nous l'ont fait croire, on achète n'importe quoi. Normalement tous les goûts sont dans la nature, mais t'aventures pas des marginales si tu dors dans ta voiture. Normalement l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, bébé dos, boulot dodo, on recommence à zéro. Normalement il n'y a que la vérité qui blesse, mais je t'assure qu'un coup de chasse te laissera HS. Normalement nul n'est censé ignorer la loi, donc nous l'apprend pas, faudrait faire quoi bande de tarbas. Normalement l'air ne fait pas la chanson, mais ici on sent bien comme un air de dérision. Normalement l'air ne fait pas la chanson, mais ici on sent bien comme un air de dérision. Normalement, normalement, tous ces trucs qu'on apprenne, qu'on nous apprend. Normalement, normalement, toutes ces choses qu'on nous enseigne, ces faux semblants. Normalement, normalement.